collègues poètes ont disparu. Hola, soy Andrés y eso es La Chanson, el programa de canción francesa de Radiopolis. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur. Sans savoir pour qui battait leur cœur. El pasado 1 de octubre, Francia enmudeció. Consternación general. ¿Cómo será posible? ¿Pero no era eterno? Si solo tenía 94 años. Era difícil aceptar que Charles Aznavour nos hubiera dejado. Venía de una gira en Japón e iba a hacer otra en Bélgica. No fue como Johnny Hallyday, que murió en el hospital. Él, la muerte, lo encontró de sopetón, como Claude François en su bañera. En ambos casos, la conmoción fue mayúscula, porque completamente inesperada. Aznavour es el único artista que tuvo derecho a un homenaje en Los Inválidos, en París. Fue el pasado 5 de octubre, en presencia de dos presidentes, el de Francia y el de Armenia, el país de sus antepasados. En Armenia alcanzó la categoría de héroe nacional, la máxima. Le dieron la nacionalidad y el cargo de embajador en Suiza por su defensa de la causa armenia y su apoyo al país en un destructor terremoto. Como lo dijo Macron en su discurso, es llamativo que los símbolos de Francia en el mundo provengan de la inmigración, como en la canción el mismo Johnny, Sylvie Vartan o Yves Montand. Fue una suerte para Francia la lentitud de la administración francesa para entregarles a sus padres los visados para Estados Unidos que esperaban en París, huyendo del genocidio de los armenios perpetrado por los turcos, o más bien los otomanos. Así que Aznavour nació en París de casualidad. Su hermana Aida lo había hecho en Grecia. El éxito le tardó muchísimo, quizás por su voz velada, su pequeña estatura o su nariz, que Edith Piaf, que le sacó del anonimato, le aconsejó operarse. Se quedó 10 años a su servicio mientras se le resistía la gloria y escribía para los demás. Tuvo que esperar 1960, cuando ya tenía decidido más o menos dejarlo, y él, para que el público lo ovacionara en pie con la canción Je me voyais déjà, ya me veía. Es la historia de los sueños de gloria de un artista fracasado, inspirado por un cantante belga. A los 18 dejé mi provincia, estaba seguro de conquistar París. Me hicieron ese traje azul tan chic. Ya me veía arriba en el cartel, ya me veía adulado y rico, firmando mis fotos a los fans. Mi éxito era tal que me aclamaban en pie. Ya me veía buscando en mi lista la que podría por la noche abrazarme. Mi traje azul, no, yo lo llevo desde hace 30 años. Si todo fracasó, para mí no es mi culpa, sino la del público que no entendió nada. Pero llegará un día que les enseñaré que tengo talento. Escuchemos Je me voyais déjà de 1960. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche,

Ma vie commence alors que je vois le décor, que j'entends les trois bouts. Et je suis malgré moi pris de peur et de joie quand le rideau se lève. Fais le premier pas pour entrer dans mon rêve, mon rêve. Je suis un cabotin dans toute sa splendeur, j'ai choisi mon destin. Donnez-moi 10 répliques et quelques projecteurs, vous verrez mes moyens. C'est toute ma vie. Donnez-moi un théâtre, un rôle à ma hauteur, et j'aurai du génie sous un maquillage savant, ou le visage à découvert, emphatique ou discrètement. J'ai dit la peau qui vient le verre, avec tendresse, avec fureur, selon la pièce et puis en couleur. Je souffre, je vis et je meurs, aimant jusqu'à ce que j'y crois. Soyez sans vanité, je connais ma valeur, et si pour vous peut-être, je suis un cabotin dans toute sa splendeur. Es difícil elegir canciones entre todas, pero me atrevo a decir que seguramente la más conocida en el mundo es la bohème, palabra que describe el modo de vida paupérrimo de los artistas no consagrados. La bohemia quería decir somos felices, comíamos un día de cada dos, en los cafés vecinos éramos algunos esperando la gloria. Cuando vuelvo allí ahora ya no reconozco nada. Mi taller ha desaparecido. Éramos jóvenes, éramos locos. La bohemia ya no quiere decir nada. Escuchemos La Bohème de 1965. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon mari en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire, et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème,

désormais je garderai ma porte close. Désormais enfermé dans ma solitude, je traînerai parmi les choses qui parleront toujours de toi. Otro famoso tema suyo sobre el amor es Mourir d'aimer, morir de amar. Una canción escrita para expresar su indignación después del suicidio de una joven profesora, Gabrielle Russier, por haber sido condenada a la cárcel después de una relación sentimental con un alumno menor de edad, pero muy maduro. Un caso que conmocionó Francia y también inspiró la película del mismo nombre de André Cayatte, que fue todo un éxito de taquilla. Las paredes de mi vida son lisas, me agarro a ellas, pero me deslizo lentamente hacia mi destino, morir de amar. Cuando el mundo me juzga, solo veo para mí una escapatoria. Dejemos el mundo a sus problemas, con sus nimiedades. Eres la primavera, yo el otoño. Ya que nuestro amor no puede vivirse, mi camino está claro. Morir de amar. Escuchemos Mourir d'aimer del año 71. Les parois de ma vie s'enlisent. Je m'y accroche, mais je glisse. Lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer, tandis que le monde me juge, je ne vois pour moi qu'un refuge. Toute issue m'étant condamnée. Laissons le monde à ses problèmes, les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées. Mourir d'aimer, puisque notre amour ne peut vivre, mieux autant refermer le livre, et plutôt que de le brûler. Mourir d'aimer, partir en redressant la tête, sortir vainqueur. Toutes les données.

la mamá. Es raro, no nos sentimos tristes. Hay tantas lágrimas y sonrisas que nunca, nunca, nunca nos dejarás. Escuchemos La mamá de 1963. Ils sont venus, ils sont tous là, et qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie, il y a même Giorgio le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence, autour du lit sur le carreau, mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau. Ah, la maman, la maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir, ah, la maman. Sainte Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place, bien sûr, vous lui tendez les bras en lui chantant Ave Maria. Il y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi. La maman, il y a tant de larmes et de sourires à travers toi, toi la maman. Et tous les hommes ont ici chaud sur les chemins de grand soleil, elle va mourir là. Boivent frais le vin nouveau, le bon vin de la bonne traîne, tandis que s'entasse pêle-mêle sur les bancs, foulards et chapeaux. C'est drôle, on ne se sent pas triste, près du grand lit de l'affection, il y a même un oncle guitariste qui joue en faisant attention à la main. Se souvenant des chansons tristes d'éveiller, elle va mourir là, la main. Tout doucement les yeux fermés, chante comme on berce un enfant, après une bonne journée, pour qu'il sourie en s'endormant. Il y a tant d'amour, tant de souvenirs tout autour de toi, la maman, tant de larmes et de sourires à travers toi, toi la maman, plus jamais, jamais, jamais tu nous quitteras. Aznavour siempre estuvo en fase con su tiempo, adelantado incluso. En 1972 fue el primero en Francia en tratar en una canción el tema de la homosexualidad, en este caso masculina. Fue un acierto, todo un éxito. Vivo solo con mamá, a menudo hago la compra y la cocina, pero mi verdadero oficio es la noche. Soy artista. Hago un número especial que acaba en desnudo integral. Soy un homo, como dicen. Pienso a este chico bello como un dios. Mi boca nunca se lo confesará porque se pasa el tiempo en la cama con chicas. Solo es la naturaleza que haga que sea un homo, como dicen. Escuchamos Comme ils disent del año 1972. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, rue Sarrazate. J'ai pour me tenir compagnie une tortue, deux canaris et une chatte. Pour laisser maman reposer, très souvent je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit, que je l'exerce travesti. Je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral. Après striptease, et dans la salle je vois que les mâles n'emploient pas leurs yeux. Je suis un homme comme ils disent. Vers les 3 heures du matin, on va manger entre copains de tous les sexes, dans un quelconque bar tabac. Et là, on s'en donne à cœur joie, et sans complexe, on déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez. On les lapide, mais on le fait avec humour, en robe et dans des calembours. On rencontre des attardés qui pourraient pâter leur tablé. Marché ondule, Saint-Jean, ce qu'il croit être nous, et se couvre les pauvres fous de ridicule. Ça gesticule et parle fort, ça joue les divas, les ténors de la bêtise. Moi, les lazis, les colibets me laissent froid, puisque c'est vrai, je suis un homme comme ils disent. À l'heure où naît un jour nouveau, je rentre retrouver mon lot. Solitude, j'ôte mes cils et mes cheveux, comme un pauvre clown malheureux. De lassitude, je me couche mais ne dors pas. Je pense à mes amours sans joie, si dérisoire. À ce garçon beau comme un dieu, qui sans rien faire ni ne peut, à ma mémoire. Ma bouche n'osera jamais lui avouer mon doux secret, mon tendre drame. Car l'objet de tous mes tourments passe le plus clair de son temps au lit des femmes. Nul n'a le droit en vérité de me juger, de me blâmer. Et je précise que c'est bien la nature qui et seul responsable si je suis un homme, comme ils disent.

El hombre engaña a la naturaleza, hipoteca su futuro. ¿Qué pasa con el agua? Y el cielo sin la capa de ozono. La sequía borra toda huella de vida. La tierra se muere. El hombre vive su vida. ¿A dónde vamos? Despertémonos. Escuchemos La Terre meurt de 2006. Les océans sont des poubelles et les fronts de mer sont souillés. Les Tchernobyl d'Henri Bambel voient naître des fœtus morts-nés. Dans 50 ans, qu'allons-nous faire de ces millions de détritus et ces déchets du nucléaire dont les pays ne veulent plus? Sous nos pieds, la terre promise, patrimoine de nos enfants, petit à petit agonise. Nul ne s'en soucie, et pourtant des espèces devenues rares sont en voie de disparition. Et la laideur chante victoire sous le plastique et le béton. La terre meurt, l'homme s'en fout, il vit sa vie, un point c'est tout. Il met à son gré, à son goût, le monde sans dessus dessous. La terre meurt, où allons-nous? Dans la finance et les affaires, le pétrole est le maître mot. Il mène à tout, même à la guerre, et nul ne s'inquiète de l'eau. Où en sont la flore et la faune? Et qu'advient-il du firmament, privé de la couche d'ozone, gardien de l'environnement? Sous le ciel, le sol se révolte, car l'homme trompe la nature. Quand il trafique les récoltes, il hypothèque son futur. Sous le soleil, les forêts brûlent, et l'on gave les champs d'engrais. Dans la boulimie majuscule du rendement et du progrès, la terre meurt, l'homme s'en fout, il vit sa vie, un point c'est tout. Il met à son gré, à son goût, le monde sans dessus dessous. La terre meurt, où allons-nous? Il est temps de prendre conscience que l'homme ne respecte rien. Il se fiche de l'existence des baleines et des dauphins. L'éléphant meurt pour son ivoire, la bête rare pour sa peau. Et dans les grandes marées noires, le mazout engle les oiseaux. La société consommatrice avance impunément ses pions, tandis que les arbres pourrissent dans les villes et leurs environs. La sécheresse se déchaîne, effaçant tout signe de vie, et certaines races humaines crèvent d'abandon et d'oubli. La terre meurt, l'homme s'en fout, sa vie, un point c'est tout. Il met à son gré, à son goût, le monde sans dessus dessous. La terre meurt, où allons-nous? La terre meurt.